L'alcool bras ne fait plus rien. La BR ne fait plus effet. Son vagin ne fait plus rien. Son derrière ne fait plus effet. Oh, je suis triste. Je ressens plus grand chose quand tu me suces la bite. Oh, je suis triste. Je ressens plus grand chose même quand je gicle. Je vais te faire chialer. Toutes les larmes de ton corps m'appartiennent désormais. Je vais te faire chialer. Toutes les larmes de ton corps m'appartiennent désormais. L'avenir appartient à Dieu, celui qui se lève tôt, c'est son problème. Cœur embouteillé, j'ai œdème, j'ai plus trop le temps pour les je t'aime. Mon cœur est hermétique, pas de filtre. Je récupère et tout ce que je mérite. Je lâche un rictus pendant le feat. L'objectif c'est la SACM des Beatles. Je laisse des vues à des goûts plus fraîches que celles qui m'en mettaient à l'époque. À vrai dire, j'ai plus du double dans les poches. Putain, quelle époque, c'est qu'il y a quelques faux négros sur quelques tas. T'as le prix de tout, la valeur de rien. Elle sait ce qu'elle fait, mais la putain fait sa conne. Moi j'allais en cours, je m'en battais les reins. Je veux faire du rap, qu'est-ce que je vais foutre à l'école? Fais te faire chialer, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Je ne m'en voudrais pas pour ma part. Avec ton corps, je fais bande à part. Avoue-moi, bébé, la vie en trou noir, bébé. Y'a des gars sournois, sûrement sur moi. J'y vais, ma vie en sino, ma vie au ciné. Je vais te faire chialer. Toutes les larmes de ton corps m'appartiennent désormais. Je vais te faire chialer. Toutes les larmes de ton corps m'appartiennent désormais. Et si on se bouge juste un peu la gueule, qu'on oublie juste pour une fois. Les je t'aime, les on est en couple, les problèmes. Faut pas toujours vouloir être la seule. Faut que tu comprennes qu'on se comprend pas. De prise de tête à cause de schneck. L'enfer c'est la vérité perçue trop tard. J'te fais du temps sans le vouloir. J'ai la tromperie au bout des doigts. Comment c'est que si touchera le fond, si j'tombe amoureux de toi. Malheureusement quel enfoiré, j'm'arrête jamais. L'alcool bras ne fait plus rien. Père ne fait plus effet. Son vagin ne fait plus rien. Son derrière ne fait plus effet. Je vais te faire chialer. Toutes les larmes de ton corps m'appartiennent désormais. Je vais te faire chialer. Toutes les larmes de ton corps m'appartiennent désormais. Je vais te faire chialer.